Et là, ben, on a deux femmes d'affaires en studio, mais je voulais aussi qu'on touche le côté humain de ces femmes-là. Tu sais, qu'on aille un peu plus en profondeur dans leur vie sans aller trop dans leur intimité. Puis j'ai invité Chantal Lamontagne qui a écrit, co-écrit L'amour sexship avec David Bernard, notre fameuse valise numéro 26 du banquier, qui est au bout du fil. Allô, Chantal! Oui, allô! Comment ça va? Bonne journée des femmes! Oui, bonne journée des femmes à toi aussi. Merci. Comment ça s'est déroulé ta journée? Oh, beaucoup de recherche, préparation, parce que j'ai un atelier demain, justement, sur l'amour sexuel à Granby. Donc, c'est, c'est la journée, ça va rejoindre justement notre thème. C'est la journée où est-ce que j'accumule de l'énergie. Oui. Hey, t'as écouté le début de la conversation avec nos deux invités, puis. Oui. Bon, est-ce que t'es surprise de certaines des réponses, à savoir que les femmes sont structurées, que pour un homme, travailler avec une gang de femmes, ça peut être difficile aussi? C'est que sur le milieu du travail, ce qu'on comprend pas, c'est que les femmes sont dans le mode de l'énergie masculine. Fait que sur le milieu du travail, elles sont des femmes qui sont en train d'utiliser leur énergie masculine. Donc, là où c'est important de balancer, c'est justement quand on disait je suis désolée, c'est Julie ou c'est... Qu'est-ce qui disait que c'était la créatrice là, qui avait beaucoup de... Isabelle. Alors, quand Isabelle est dans ce mode-là, ça, c'est dans son mode féminin. Elle est dans son énergie féminine. Donc, ça prend une énergie masculine à côté pour concrétiser le projet. Fait qu'il y a une espèce de balance, il y a une espèce d'équilibre qu'on va chercher quand les femmes travaillent avec les hommes. Parce que même la femme qui est d'énergie féminine en premier, elle utilise l'énergie masculine au travail. Là, mesdames, ici en studio, vous êtes en couple. Oui. Toutes les deux. Oui. Pas ensemble. Non, mais je dis pas ensemble, mais vous avez toutes les deux. On est au bureau. Par exemple, on se cachera pas. Oh, oui, définitivement. On se complète énormément. Puis moi qui avais dit à Martine, mon fantasme, ça mène un couple de femmes, ils étaient en couple. Je pensais que tu réalisais ça depuis tantôt. Ça va aller, là. Je voulais savoir s'il y avait des hommes dans leur vie. Oui, il y a des hommes dans leur vie. Chantal, fais juste me dire... quel type d'homme peut être attiré vers les femmes d'affaires? Parce que, tu sais, une femme de tête, une femme qui a du leadership, va peut-être avoir de la difficulté à se trouver quelqu'un dans sa vie. Ça va prendre un homme comment pour arriver à vivre avec des femmes comme celle-là? C'est un homme qui, à la base, d'avoir une bonne estime de lui et qu'il est, il est à l'aise avec sa sexualité et qui a le goût et l'intention de supporter sa femme. Parce qu'une fois que la femme rentre à la maison, c'est la blonde de son chum. C'est pas celle qui mène l'entreprise. C'est pas la tête de l'entreprise. Et c'est souvent un problème où est-ce que les femmes ont besoin d'entre 20 et 60 minutes entre le travail et la maison pour shifter leur énergie, même au niveau du cerveau, pour shifter leur chimie dans leur corps de l'énergie masculine durant la journée à une énergie féminine le soir. Fait que ça prend un homme qui est bien dans sa masculinité et qui est respecté par la femme qui est meneuse d'entreprise, mais quand elle rentre chez elle, c'est la blonde de son chum. OK, fait que vous, mesdames, donc, vous n'êtes pas si germaine que ça à la maison. Disons qu'on est deux tempéraments différents, ouais. Je pense, dans notre vie. Mais un peu quand même, sauf que moi, je regarde mon conjoint, je me fie beaucoup à son jugement. Fait que oui, je lui parle de choses, mais rendu à la maison, souvent, on essaie que ça soit autre chose. Oui, on n'amène pas le travail à la maison. Non, sauf que lui, je pense qu'il pourrait dire que je décide beaucoup quand même. OK. Si on lui demandait, je pense que s'il était honnête, il dirait ça. Mais ça fait peut-être son affaire, là, tu sais. Mais Julie, comme ça au bureau aussi, être un petit peu plus, tu sais, c'est très décidé, c'est un côté de ta personnalité aussi, là. Ouais. Puis toi, à la maison... Ben moi, je dirais que j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre parce que souvent, j'ai trouvé dans ma vie que j'ai attiré des hommes, avant d'avoir le bon, là, j'ai attiré des hommes qui me voyaient tellement forte. Et je me souviens que le conjoint que j'ai à l'heure actuelle, à un moment donné, de lui avoir dit « Je suis bébé, OK? OK, là, j'ai l'air forte, mais je suis pas forte. Arrêtez de me dire ça, je suis pas forte. Tu sais, je voulais qu'on prenne soin de moi, je suis pas... Oui, je suis à la tête d'une entreprise, mais... Ça veut pas dire qu'à la maison, j'ai pas le droit d'être... Je vais vous lire ce que j'ai écrit à Dani quand je lui ai parlé de notre entretien de ce soir. Je lui disais les styles de questions que j'allais vous poser. Puis Chantal, tu pourras me comprendre aussi. J'ai dit, moi, il y a des gars qui me mettent sur un piédestal parce que, oui, je co-anime à la radio, je suis allée aux Jeux olympiques, puis, tu sais, je suis fonceuse. Tu sais, je démontre que j'ai un caractère, confiance en moi, gros. Puis oui, tu sais, dans ma vie professionnelle, là, normalement, quand je me trace une ligne, je fonce. Mais quand j'arrive dans ma vie intime, là, je suis comme un petit oiseau, là, faut que tu fasses attention à moi, puis je peux être vraiment fragile, là. Tu sais, je peux être vraiment, tu sais, j'aurais pas je vais le dire de même vulgairement, j'aurais pas la grosse paire de couilles que j'ai au travail, mettons, dans mon petit nid. Puis je me dis, Colin, des fois, on dirait que les gars sont déçus de voir ça. C'est vrai? On dirait qu'ils sont déçus de voir qu'on peut être fragile aussi. Oui, c'est que il y a une partie. On fonctionne avec une espèce de culture d'hommes qui ont été émasculés. C'est émasculé, c'est juste un petit peu avant d'être castré. Alors c'est des hommes qui ont eu de la difficulté à faire leur place et à être à l'aise avec le fait qu'ils sont masculins veut dire action, veut dire prendre charge. Mais comme il y a eu beaucoup de confusion avec la libération de la femme, où la femme elle a dit non, moi je prends charge. Donne-moi tes couilles, je vais mettre ça dans ma sacoche, tout va être correct. Et c'est pas ça, là. Il faut tout reverser ça, là. Il faut leur redonner le respect et redonner les couilles aux hommes parce que c'est important qu'ils soient dans l'énergie masculine. Ça leur fait du bien de prendre soin de nous. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on voit ça comme une faiblesse, n'est-ce pas? Quand une femme dit, je suis pas la femme forte que tu penses, je veux que tu prennes soin de moi, je suis bébé, on pense que c'est une faiblesse, mais ça l'est pas, c'est une force. D'être vulnérable. C'est bien. C'est ça que les hommes doivent comprendre. Mais c'est une force de l'avouer aussi, là. Je veux dire, moi. C'est une force de l'avouer. Ça prend du courage de l'avouer. Mais Chantal, les hommes qui sont attirés vers les femmes de tête, là, comme on a nos deux invités en studio, Julie et Isabelle, est-ce qu'ils vont espérer que ce soit des femmes de tête partout, dans toutes les sphères de leur vie? Si c'est ce qu'ils espèrent, c'est pas un homme qui va bien aller avec une femme long terme, parce que c'est un homme qui va être soumissif, c'est un homme qui va être ok d'abord, c'est comme tu veux. Il y aura pas de caractère okay. Et ça fonctionne pas, à moins qu'une femme soit en amour avec l'idée qu'elle va être la germaine tout le temps, ce qui est contre sa nature de toute façon. Donc cette espèce d'homme qui dit oh good, elle peut prendre charge, mesdames, faites attention, c'est peut-être pas un homme avec qui on veut bâtir quelque chose de solide et qui est homme dans son énergie d'homme. Il a besoin de l'être. Moi, je veux vous poser une question, mesdames. Je vais commencer avec les dames en studio. Chantal, après ça, tu pourras donner ton opinion. Oui. Je vous donne l'exemple. On a parlé de la mairesse Boucher aujourd'hui dans un autre contexte qui est vraiment plate, là. Mais je pensais à elle, mais je pensais à son mari. On a connu la mairesse Boucher, puis on a connu le mari de la mairesse Boucher. Tu sais, c'était pas Monsieur Boucher avec son nom, là. C'est comme... La femme qui est vedette, puis le mari de la femme vedette, il y a comme un autre nom, il a été rebaptisé. Est-ce que pour un homme dans la vie d'une femme, là, vous êtes des femmes de tête, là, est-ce que c'est parce qu'il pile sur son côté viril ou qu'il pile sur sa masculinité pour suivre sa petite femme en arrière? Je croirais pas, moi, parce qu'il y a une différence entre, justement, les personnes publiques. Tu sais, l'exemple, on parle de Véronique Loutier, que justement, lui, il dit toujours « je suis le chum de », mais l'inverse est vrai quand c'est des hommes aussi. Je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est pas ça. Moi, je le sens pas. Mon conjoint, il se sent pas diminué. Puis moi, je pense que lui, il me met pas de pression. Je pense que les femmes, on est assez bonnes pour se mettre de la pression nous-mêmes pour dire hey, « on dirait toujours qu'il faut être des superwomen dans tout ce qu'on fait. C'est pas les autres qui nous mettent cette pression-là. En tout cas, moi, c'est pas mon conjoint qui me la met du tout. Fait que moi, je pense pas que, en tout cas, dans nos cas, dans je nos connais cas, assez Isabelle, oui. Que nos chums sont pas dans l'ombre de nous, là, pas dans notre domaine. Je crois pas que dans nos domaines d'affaires, c'est sûr qu'on n'a pas non plus, on n'est pas à la tête d'une multinationale, là. Faut relativiser les choses, tu sais, ça va bien, on est heureuse, notre business va bien, mais je veux dire, on est quand même très simple. Puis vous aspirerez pas à ça non plus, j'imagine, non. À avoir un homme qui va être juste le second, qui... Pas du tout. Parce que des femmes, on dirait qui cherche ça à juste être et que l'autre soit là pour la supporter ou la soutenir quand ça va être le temps. Puis, dans le fond, il est juste là comme un outil. Non effectivement, ça nous... ça ne s'accorde pas avec nous, ça ne ressemble pas du tout. Puis toi, Chantal, comment tu vois ces hommes-là qui arrivent à être le second, là? Oui, pour éviter le plus possible des jugements, parce que c'est très facile d'aller et dire « Ah, il n'y a pas ça ». C'est que c'est un homme qui essaie de trouver sa place comme homme à côté d'une femme qui voit forte. Si ces hommes-là n'ont pas eu une bonne matriarche, une bonne mère, une grand-mère, une femme dans leur milieu, qui leur a dit « C'est correct de prendre, qu'est-ce que t'en penses, de mettre de la valeur sur son opinion quand il devient un homme ». 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans. Dès qu'il commence préadolescence, il a besoin d'une femme autour de lui pour lui dire « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu peux trouver la solution à tes choses? » Et c'est pas ça souvent les mères qu'on fait. On dit « Non, c'est correct, je vais t'arranger ça, c'est moi qui vais prendre charge. » Donc, si cet homme-là a pas eu ça, dans sa vie d'adulte, il va avoir de la difficulté à être tout l'homme qu'il est. Mais veut, veut pas, on a à peu près tout un appel où est-ce qu'on doit retourner à notre essence maintenant. Donc, ces hommes-là sont, peuvent pas être heureux en étant un second. Ils peuvent pas être bien parce qu'ils peuvent pas utiliser leur énergie masculine. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, je pense que oui. Oui, bien sûr. Faudrait leur demander, en oui, fait. Mais ça oui, faire des belles conversations. Absolument. Des conseils que vous pouvez donner aux femmes, justement, que, en tout cas, donnez-moi-en à moi, là. C'est ça, hein? Donnez-moi-en un conseil à moi, là, savoir comment être avec les hommes pour pas qu'ils aient peur de nous, dans le fond, puis que... Ouais, ça, c'est, je pense, la question la plus importante de l'émission. Ouais. Donnez des conseils, Martine, là-dessus. Là, ouais. Donnez-moi des conseils, parce que vous m'avez... Ben, vous avez dit tout à l'heure, avant, de trouver le bon, parce que vous en avez rencontré plusieurs. Ben, oui, disons que moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis avec Martin, là. Disons qu'on est en famille reconstituée, une belle petite famille moderne, là. Mais effectivement, moi, c'était mon cas, puis je pense que d'avoir été honnête, probablement a joué aussi là de pas garder cette image là. Tu arrives aussi un moment où on n'a plus le goût de garder un masque ou tu sais c'est comme ça que je viens avec ça puis c'est à prendre ou à laisser. C'est comme ça puis oui quand on est dans un événement je sais que Martin est très fier de ce petit côté là. Mon conjoint lui on est dans un événement puis de voir que sa blonde disons que dans une entreprise puis quelqu'un peut dire c'est la propriétaire de Bise, lui ça il trouve ça flattant, je sais qu'il est fier oui. Mais il sait que à la maison Isabelle c'est sa blonde, c'est pas la fille de Bise, pas du tout là, c'est sa blonde puis c'est sa blonde qui vient avec les faiblesses, les forces et les faiblesses puis mais je pense que de se connaître soi puis de l'affirmer aussi de le dire aux gars c'est un package là puis il y a des façades puis il y a des fonds qu'il faut connaître puis ça vient avec ça, c'est ça le package. Ben Chantal, tu dis que tu es en atelier demain toute la journée à Granby? Oui, tout à fait. Où est-ce qu'on va expliquer l'amour sexuel, qu'on va expliquer comment on fait dans le quotidien pour justement avoir cette belle balance-là d'énergie masculine, d'énergie féminine et de connaître finalement la recette secrète de l'amour qui dure. En tout cas, dans le livre que j'ai lu... Oui! dans le livre que j'ai lu, L'amour sexship de Chantal et David, j'ai lu une portion, je me souviens de la portion parce que j'ai retenu certaines choses, il faudrait que je le relise, là. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération quand on revient du travail, de se laisser du temps pour décanter, pour revenir comme... À notre source. Là. Tu l'as dit tout à l'heure, Chantal, puis je pense que c'est vrai. Ça prend un certain temps quand on arrive chez nous pour juste décrocher du travail. Puis on dirait qu'on se sent bien à ce moment-là, puis on sent, OK, on est à la maison maintenant. Fait que je pense que si ça prend 45 minutes retourner à la maison, là, en voiture, c'est parfait. Oui. Une femme doit se sentir bien pour faire du bien. Oui, c'est vrai. Alors, pour répondre à ta question, Isabelle était exactement juste. C'est d'être clair sur qu'est-ce que tu veux. Et dès que l'homme te rencontre, si l'homme il fait un wow, regarde cette femme-là. Je suis fière d'elle, je suis fière de qu'est-ce qu'elle a accompli. Mais moi, je suis solide à côté. Dès que toi, t'es clair, puis tu dis comme Isabelle a dit, voici ce que c'est, voici qui je suis, es-tu intéressé ou non, et aie pas peur. Si c'est pas le bon, il va passer, puis il y en a un autre qui va arriver. Quand il y en a un qui part, il y en a 10 qui vont revenir. Je pense que l'admiration, il faut que ça soit des deux côtés aussi. Il faut que ce soit réciproque un pour l'autre. Oui, ben, c'est un des éléments les plus importants. Merci beaucoup, Chantal. On se reparle jeudi prochain. Avec plaisir. À notre sujet de fille. Elle vient nous voir en studio? Non, elle vient pas nous voir en studio. C'était triste, hein? Oui. Bye-bye. Bye. Salut.